Il est 13h30. Voici Histoire vivante sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Que furent donc les premiers émois d'Histoire vivante au temps révolu de la bande magnétique et du montage au ciseau? Ah, comme on riait en ce temps-là, si jeune, si naïf, si plein d'espoir, sans entrevoir le crépuscule des sombres soirs à venir. Désormais, tout a changé. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Agissent dans l'ombre, se veulent de vrais Allemands ariens et ils nient toute forme d'Holocauste. Des nouvelles ont parcouru les journaux que le nombre des réfugiés a augmenté considérablement à environ 1000 par jour. Moi je crois que la seule réponse qui puisse vraiment surprendre l'opinion publique, c'est que le gouvernement d'Allemagne l'Est décide par exemple de supprimer le mur. Cette semaine, l'Allemagne et ses démons, d'un mur à l'autre, le ventre est toujours fécond d'où a surgi la bête immonde. La porte de Brandebourg, symbole de la division de Berlin, est virtuellement ouverte et il n'aura fallu pour cela que 4 semaines de manifestations, on croit rêver. À Berlin, en 1989, il n'y a cette année-là qu'un événement qui compte. À Berlin, en 1989, le monde entier voit la guerre froide disparaître sous les coups de pioche qui accompagnent la destruction du mur. On n'aura pas attendu 30 ans, le mur est détruit sous des hurrahs de retrouvailles, de réconciliation, d'espérance. Un an plus tard, alors que les morceaux de mur sont devenus des reliques qui se marchandent à prix d'or, des chiffres alarmants proviennent de cette nouvelle Allemagne, de cette Allemagne enfin réunifiée. Ces chiffres font état d'agressions répétées et d'actions violentes de la part de jeunes skinheads sur des groupes étrangers. Cela va de l'agression verbale à l'agression physique au meurtre. En cette année 1990, ils se mettent à 50 pour éliminer un Africain dans une discothèque. Ils seront cette année-là 270 étrangers à subir les agressions racistes de bandes de jeunes se réclamant d'un nationalisme violent et xénophobe à la lisière des partis d'extrême droite. Trop marginal pour être pleinement militant, il n'en demeure pas moins que leur cri de ralliement est bel et bien emprunté aux litanies habituelles de l'extrême droite allemande et de la logorée national-socialiste. Au cours de l'année suivante, des incidents semblables se succèdent. On passe cette fois à près de 1500 agressions recensées. Au cours de l'été suivant, une attaque d'une ampleur sans précédent va jeter l'Allemagne au devant de la scène. Une Allemagne raciste, xénophobe, qu'on espérait bien naïvement à jamais disparue sous les lambris du tribunal de Nuremberg. Mais les faits sont là. L'Allemagne réunie du début des années 90 redevient cette puissance énorme que des inégalités entre Est et Ouest propulse, après la chute du mur, dans un pari d'équilibre des plus incertains, des plus audacieux. Un pari qui, à ce jour, n'est toujours pas gagné. 10 ans plus tard, il y a bel et bien toujours 2 Allemagnes, sinon sur les cartes, tout au moins dans les têtes, une histoire bien vivante. Chapitre 1. Après la guerre, la guerre. En 1945, en accord avec les Alliés, les forces soviétiques ont établi à Berlin un gouvernement militaire avant l'arrivée des Britanniques, des Américains et des Français, et le partage de la ville en 4 secteurs, à l'image du partage de l'Allemagne. L'Allemagne a subi les assauts sur tous les fronts, elle est à genoux, des villes entières ont été rayées des cartes. Il faudra reconstruire, mais il faut d'abord quadriller et contrôler cet étrange pays propice aux convulsions. Les Soviétiques contrôlent l'Allemagne de l'Est, les Britanniques le Nord-Ouest, les Américains le Sud. Une zone française est également créée. La croix gammée qui surplombait le toit du Reichstag est bel et bien tombée en morceaux. Berlin se trouve désormais à l'intérieur de la zone soviétique et Staline n'a aucunement l'intention de partager la ville avec quiconque. Son premier souci est de montrer clairement que l'accès à Berlin est un privilège et non un droit. Les Occidentaux se voient donc autorisés à utiliser pour se rendre à Berlin une seule route d'accès, une voie de chemin de fer, un canal et trois couloirs aériens. Les autorités occidentales acceptent. Elles n'ont guère le choix, ni surtout les moyens de s'opposer à cette décision. Garder un accès à Berlin est d'autant plus capital, fût-ce à ce prix, que l'important est bien de relier maintenant l'Allemagne de l'Ouest à l'Occident, de la favoriser et de la soutenir le plus résolument possible. Dès lors, la situation se détériore. Les Soviétiques font monter la pression. Ils obligent les partis socialistes et communistes à fusionner dans la zone orientale. Ils refusent de reconnaître la nouvelle assemblée municipale. Ils imposent des restrictions et des règles bureaucratiques. L'intention de Staline semble être d'obliger les Occidentaux à renoncer à la création d'un État allemand ou de quitter Berlin. La suite des événements accrédite la glaciation des rapports des deux blocs. Dès 1948, avec le développement de la guerre froide, l'URSS cesse de coopérer avec les trois autres puissances alliées et la situation à Berlin se durcit rapidement. Les Occidentaux se décident donc à réaliser l'intégration économique des trois secteurs de Berlin-Ouest et de l'Allemagne de l'Ouest. Un vote de l'Assemblée municipale autorise les monnaies des secteurs oriental et occidental à entrer en concurrence. Cette mesure ne veut rien dire pour les Soviétiques qu'une seule chose, une dévaluation, à coup sûr, doublée d'une redoutable crise économique. Les Occidentaux enfoncent le clou en créant leur propre monnaie, le Deutschmark. La contre-offensive est immédiate, les Soviétiques annoncent le soir même le blocus de Berlin. Chapitre 2. On accélère le processus et on ne lambine pas, s'il vous plaît. De jour en jour, le monde qui, voilà peu, criait sa joie de voir enfin la paix mettre fin à 6 années de violence et de douleur, ce même monde se tétanise devant l'escalade des deux superpuissances. Le général Lucius Clay, gouverneur militaire de la zone américaine en Allemagne et chef des forces américaines en Europe, met en place un pont aérien pour approvisionner Berlin, ne disposant que de 3 couloirs aériens. Dépasser ces couloirs signifie pour les aviateurs être abattus immédiatement par les Soviétiques. Le moindre incident peut donc causer un nouveau conflit. L'ancienne capitale du Reich importe quotidiennement 15 000 tonnes de ravitaillement, ce qui représente une charge impossible à assurer, mais Clay espère pouvoir éviter la famine. En effet, sur les 12 000 avions américains qui sont en Europe en 1945, il en reste une centaine, des DC-3, utilisés pour le transport des troupes. Après l'improvisation des débuts, une organisation sans faille se met en place. Les pilotes américains et anglais volent sans relâche, 7 jours sur 7, sans prendre de repos. Ils décollent d'une demi-douzaine de bases aériennes et atterrissent sur les 2 aéroports principaux de Berlin, Gatow et Tempelhof. Ce dernier, au début, ne dispose que d'une piste d'herbe. Il se dote bientôt d'une seconde piste, faite de gravats recouverte de bandes métalliques. Entre 2 atterrissages, les Berlinois, armés de pelles et de brouettes, se hâtent pour remettre la piste en état. À la mi-juillet, Berlin reçoit 2250 tonnes de ravitaillement par jour. Clay obtient aussi l'appui d'un général de division dont le nom évoque d'habitude les peintures brumeuses où se mêlent les bruines de la nature aux vapeurs de l'ère industrielle, William Turner. Mais ce William Turner-là a un tout autre parcours que le peintre anglais du siècle passé. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a assuré la livraison sur les lieux de combat de milliers d'avions sortis des chaînes américaines. Il soutient le moral des troupes, augmente les effectifs au sol, mécaniciens, ingénieurs, chauffeurs, contrôleurs aériens. Pour assurer le passage quotidien de 500 camions de ravitaillement, il fait construire des pistes d'aéroport, des routes d'approche, des voies ferrées. Il standardise la taille des emballages alimentaires. Les opérations de chargement, de déchargement, de ravitaillement en carburant s'effectuent en des temps records. 20 minutes seulement suffisent à l'équipe au sol pour charger 10 tonnes de nourriture dans un appareil. Un obsédé de l'efficacité, ce Turner-ci. Fin novembre, les communistes créent leur propre municipalité et la ville se trouve administrativement coupée en deux. En janvier 1949, Berlin ne dispose que d'une semaine de réserve de charbon. À la fin de l'hiver, Berlin recommence à respirer. Les soviétiques comprennent qu'il serait vain de prolonger le blocus. Quant aux occidentaux, ils peuvent maintenir indéfiniment le pont aérien. Des deux côtés, on est donc prêt à s'asseoir à la table des négociations. Mais il va falloir plusieurs mois avant que n'intervienne un accord. Le ciel berlinois aura eu l'occasion de voir passer dans le mince couloir aérien à peine moins de 300 000 vols, affectant sans nul doute le confort acoustique des habitants, mais leur assurant au moins le minimum de ravitaillement. L'Allemagne est coupée en deux. Le 7 octobre 1949, l'Allemagne de l'Ouest devient la République fédérale allemande, RFA, et l'Allemagne de l'Est devient la République démocratique allemande. Les soviétiques créent à leur tour une nouvelle monnaie, le Mark. Eva interprète le mur. Née à Berlin, de père russe et de mère lituanienne, Eva a la voix grave, bien timbrée, parfois un peu rauque. Le mur, chanson écrite par Charles Dumont, au sommet des hits avec la version de Barbara Streisand. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Un jour on prend le train qui s'arrête à Berlin, Amsterdam ou ailleurs. On descend sans savoir qu'au rendez-vous d'un soir, on trouve face à face un passé lourd d'histoire, un présent sans espoir. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. On remonte les heures, on refait le chemin qui nous cogne le cœur au détour d'une rue. Vraiment on ne sait plus. On recherche son nom sur le mur des maisons, mais il n'existe plus. Effacé par le temps, emporté par le vent. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. On ferme alors les yeux pour retrouver les lieux comme on les a laissés. L'espace d'un instant, on s'arrache au présent. Un souffle, une caresse rapporte la tendresse de la chanson d'hier, mais tout est si lointain qu'on ne reconnaît rien. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. On laisse son enfance s'échapper de ses doigts. Il est mort le passé avec la dernière chance de revenir chez soi. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Un jour on prend le train qui s'arrête à Berlin, Amsterdam ou ailleurs. Chapitre 3. Un divorce à l'allemande. Après la capitulation des Allemands, Berlin est devenue la capitale la plus cosmopolite du monde. On y parle toutes les langues, et pas seulement au Festival du film qui décerne son premier Ours en 1950. La capitale de l'Allemagne se trouve sous la tutelle de quatre grandes puissances. Les Français, qui possèdent deux quartiers, les Britanniques, quatre, les Américains, six, et finalement les Soviétiques, 8. La partie occidentale de Berlin appartient aux Américains, Français et Britanniques, tandis que les Soviétiques possèdent la partie orientale. Le blocus est désormais au rang des souvenirs, mais la crise entre les deux camps n'a cependant pas diminué. L'année 1958 est le théâtre d'une nouvelle crise internationale quand Nikita Khrouchtchev adresse aux trois puissances occidentales un ultimatum. Il leur donne 6 mois pour transformer Berlin-Ouest en ville libre, démilitarisée, sinon il menace de signer un traité de paix séparé avec la République démocratique allemande. Cet ultimatum fait l'effet d'un coup de tonnerre, ouvre une longue crise qui culmine et s'achève avec la construction du mur. Les pourparlers sur Berlin, entre occidentaux et soviétiques, d'abord à Genève, entre les mois de mai et août 1959, et puis à Paris, en mai 60, et enfin à Vienne, en juin 61, ne donnent aucun résultat. Désormais, il y a bel et bien deux Allemagnes. L'Allemagne de l'Ouest, à l'image d'un capitalisme triomphant, et l'Allemagne de l'Est, avec pour capitale Berlin-Est, à l'image du communisme. À cause de la mauvaise économie de l'Allemagne de l'Est et du communisme qui n'est accepté que par une minorité, l'émigration vers l'Ouest fait un bond en avant. Une très grande surveillance est mise au point sur la frontière des deux Allemagnes, mais il reste Berlin. N'importe qui peut se déplacer librement entre les deux Berlins. Durant la première semaine d'août 61, la moyenne journalière des réfugiés augmente énormément. À l'Est, on commence à se dire qu'il va falloir mettre un terme à cet exode. Chapitre 4. Un agencement urbain d'une rare envergure. Extrait d'une émission réalisée le 15 juillet 1961, au micro Jacques-Henri Beck, correspondant de presse à Berlin. La question des réfugiés est une des questions, à mon avis, qui est la plus délicate dans les rapports Est-Ouest. Pour vous expliquer cela, d'un côté, environ 15 000 habitants de l'Allemagne de l'Est quittent par mois leur pays pour se rendre à l'Ouest. Ce ne sont pas toujours des raisons politiques, mais surtout des raisons économiques qui donnent à ces personnes une raison ou une autre de se rendre dans le pays, un pays qui d'ailleurs est également le leur. En outre, la valeur du mark est de beaucoup plus élevée à Francfort, Hambourg ou Düsseldorf qu'à Leipzig ou à Dresden. Ces personnes manquent naturellement à l'économie de la République démocratique allemande, ce qui entraîne dans ce pays des pénuries, des crises de l'économie, etc. C'est donc l'éternel circulus vitiosus. Ces derniers jours, surtout depuis hier, des nouvelles ont parcouru les journaux que le nombre des réfugiés a augmenté considérablement à environ 1000 par jour. Cette journée du 10 août 1961 est une journée comme les autres, ou presque. Car si l'hémorragie de la population est-allemande continue, ce qui en revanche se modifie, c'est bien le nombre de gens qui ont décidé de plier bagages et de partir pour l'Occident. Chaque jour, en effet, leur nombre ne cesse de grossir. Pour cette seule journée du 10 août, ils ont été 2000 à quitter ainsi Berlin-Est. À plusieurs reprises, les autorités est-allemandes demandent à Khrouchtchev l'autorisation de prendre des mesures radicales. Lors de la réunion des chefs des partis communistes à Moscou le 5 août, c'est chose faite. Peu après, Khrouchtchev annonce qu'il faut impérativement fermer l'échappée commode de Berlin-Ouest. Résultat, un nouvel afflux de réfugiés, plus de 4000 dans la seule journée du 12 août. L'opération Muraille de Chine commence le 12 août 1961 vers 16h. En prévision de l'opération, 40 km de barbelés et des milliers de poteaux sont stockés dans des casernes. La police et les milices ouvrières, les mêmes auxquelles on a eu recours pour mater les émeutes de juin 1953, sont mobilisées. Le ministre de l'Intérieur annonce que les citoyens de la République démocratique allemande ont désormais besoin d'une autorisation spéciale pour se rendre à Berlin-Ouest. À minuit, les services de sécurité sont placés en état d'alerte. Les unités de l'armée quadrillent Berlin-Est. 25 000 miliciens armés et quantité de Vopo, la police populaire, équipée de Kalachnikov, se postent tous les 2 mètres le long de la ligne de démarcation. Le 13 août est un dimanche de vacances. À 1h du matin, l'agence de presse officielle de la République démocratique allemande annonce que les pays du pacte de Varsovie ont demandé au gouvernement est-allemand d'assurer un contrôle efficace autour et à l'intérieur de Berlin. En une heure, 67 des 81 points de passage sont bouclés. Sous la surveillance de la police et de l'armée, des barbelés et des chevaux de frise sont posés en travers des accès à Berlin-Ouest. Les chaussées sont dépavées et des barricades élevées. En quelques heures, toute la frontière autour de Berlin-Ouest est sous contrôle. À l'aube, les premiers Berlinois debout découvrent les barbelés au milieu de la ville. Les silhouettes peu rassurantes des chars d'assaut surgissant aux quatre coins des rues. Et enfin, les bataillons de soldats cernant toute la ville. Pour les habitants de l'Est, venus rendre visite la veille à leur famille, toute idée de retour est désormais à exclure. Une barrière s'est dressée entre Berlin-Ouest et Berlin-Est. Dès le lendemain, les premiers signes d'une opposition se manifestent. Durant la nuit du 14 au 15 août, des gens, surtout des jeunes, se rassemblent près de la porte de Brandebourg. Ils sont là pour revendiquer un Berlin toujours libre, immer frei. Leurs cris ne servent à rien, ou plutôt si, à faire durcir le ton de l'ours soviétique. Quelques jours plus tard, un mur de briques et de béton coupe les rues de Berlin à hauteur du Reichstag et de la porte de Brandebourg. Il est également équipé de chemins de ronde, de miradors et de clôtures électrifiées. Le mur sépare les deux parties de Berlin sur 45 km et les secteurs occidentaux de la République démocratique allemande sur 120 km. Dès lors, la population sait que pour partir vers l'ouest, il ne va plus y avoir désormais d'autre issue que de risquer sa propre vie. C'est ce que fait une femme, la première victime du mur. Elle saute du troisième étage d'un édifice. Elle meurt sur le coup. Ils sont plusieurs à tenter le passage. Certains creusent des tunnels jusqu'à 200 mètres. Un couple âgé de 80 ans réussit cet exploit. D'autres, peu enclins à jouer les taupes, décident de sauter des édifices séparés par le mur pendant que des résidents de l'Ouest les attrapent. Certains sautent d'immeubles de 4 ou 5 étages. D'autres utilisent le moyen le plus ancien, utilisé par tous ceux qui de tout temps se sont échappés des forteresses, une corde, un filin très long qu'on attache et le long duquel on descend. Jean-Luc Godard, en 1965, alors que la guerre froide entre les deux blocs est au plus fort, nous propose dans son film Alphaville une vision très pessimiste de l'avenir de l'humanité. Demain, un saut dans le temps, immense à l'échelon d'une vie, minuscule sur le plan historique, 28 ans, 28 années plus tard, la chute du mur de Berlin. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Josette Suyot. Programmation musicale, Laurent Pavia. Réalisation, Isabelle Barthes. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Une émission de Jean Leclerc. À demain pour d'autres chapitres. Flesh flecking too easily, muscles uncoiling from my bones. Unwrap me like a gift you've been desperately wishing for. Cartilaginous flower, can you see the light inside? Do you remember when we used to be wild and free? I'm a shapeshifter, I can become anything I want. I want, oh. I'm a shapeshifter, I can become anything I want. In the middle of your forehead, realize your full potential. What you see is not is true. Oh no. Oh no, no, no. Can you feel the hours are moving? Can you see the dimension opening? This is where you come from, my love. This is where we all come from, my love. You are a shapeshifter, you can become anything you want. You are a shapeshifter. What if everything that surrounds us, everything that we perceive as reality, was a perpetual daydream? What if we had the power within ourselves to activate our complete vision, to drone in the meanders of reality, to make our environment shift? Would you take the risk to discover your real self? Because we are all so magic, if only we knew. Trafic RTS. Un véhicule roule actuellement à contresens sur l'autoroute A3, Coire, Zurich, entre Wallenstadt et Murg. Quelle que soit votre direction, rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte. Je répète, un véhicule roule actuellement à contresens sur l'autoroute A3, Coire, Zurich, entre Wallenstadt et Murg. Quelle que soit votre direction, rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.